quoi cette merde? C'est quoi ce courage? C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est un jour de chance. Dans un pays où chantent les cigales, je vais aller au Sénégal. Je vais aller à la ville de soi. Et j'irai prendre la montre de mes pieds. Après tu l'as vu, grand départ.